Ma passion dans la vie, la musique. Bonjour, je m'appelle Nice Rousson, j'ai 18 ans. J'ai commencé la musique quand j'avais 5 ans par le piano. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Et ça m'évoque surtout des souvenirs. Ça m'a demandé énormément de travail. Réussir à avoir une espèce de vraie forme de la main. Je m'appelle Aglaé, j'ai 15 ans. Ça m'a enlevé toute ma timidité, ça m'a redonné confiance en moi. Je suis beaucoup mieux dans ma peau. Lui, l'homme, véritable alchimiste de la musique et des notes. Lui, le pianiste, avec ses doigts qui tapotent et dansent sur le clavier, laissant sa virtuosité nous emmener, comme convié, à la découverte de ses musicalités. Chaque morceau interprété nous ouvre des horizons derrière la fenêtre secrète de la magique partition. Et, chacun à travers sa sensibilité, se laisse guider sans agressivité par la musique, fil conducteur et d'auditeur, devient acteur, créant son univers et ses paysages, sans plus se soucier de son entourage. Ma passion dans la vie. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Ça m'a enlevé toute ma timidité. Laissant sa virtuosité nous emmener. Des souvenirs. Ça m'a redonné confiance en moi. Nous ouvre des horizons. Beaucoup de travail. Créant son univers. Je suis beaucoup mieux dans ma peau. Ma passion travaille. M'a enlevé toute ma timidité. Nous emmener. Des souvenirs. Confiance en moi. Des horizons. Travaille. Je suis beaucoup mieux dans ma peau. Son univers. La musique, ça m'apporte tout. Et ça m'évoque surtout des souvenirs.